Je m'étais un peu perdu. Je me suis retrouvé dans la rue. J'avais pour fidèle ami un bâtard de chien tout gris. Serré au cœur de la ville, un carton pour domicile. J'allais venir au hasard. Mon hôtel c'était la gare. Sur ma gueule des chiens battus, les cicatrices de la rue se gravaient au fil du temps, un peu plus vite qu'avant. Ma faim. Parfois je tendais la main, comme ça me gênait un peu. Alors je baissais les yeux. Je n'avais plus d'ambition que de trop de déception. Je vivais au jour le jour, sans argent et sans amour. Avec mes frères de misère, embarqués dans cette galère, dans le froid et courant d'air. On n'est pas tous à l'abri.